Dossier 2. Ici, ailleurs. Leçon 1. Le quartier a la parole. Activité 1. Pardon, messieurs, c'est pour le magazine Cité Mag. Vous avez un endroit préféré dans votre quartier ? Oui, le café au Père Tranquille. C'est derrière le square de la Liberté, en face de l'hôtel Beau Séjour. Bien. Et vous, jeune homme ? Moi, c'est une place. C'est la place de la République, dans le centre-ville. Merci, messieurs. Excusez-moi, madame, je suis journaliste à Cité Mag. Vous avez un endroit préféré dans votre quartier ? Attendez. Ah oui, il y a une jolie petite église, l'église Sainte-Marie. Elle se trouve dans la rue Blanche, en face du théâtre. Merci bien. Et vous, monsieur ? Moi ? Un restaurant, dans la rue principale, près de la Banque de France. Et son nom ? Ben, c'est le resto Le Petit Bistrot. Merci. Et vous, madame ? Vous avez aussi un lieu préféré ? Un marché. Il y a un marché près de chez moi, sur la place Morand. C'est le marché des écoles, parce qu'il se trouve à côté des écoles, tout simplement. Merci. Merci beaucoup.